Lâche-moi au loin, fais-moi voir le bleu de tes veines et tous ces nerfs comme tant de chaînes. Tu sais, je suis pas là pour faire beau, je suis pas venu raisonner un chien. Je voudrais juste crever ton fardeau, briser ta rage et ton trop-plein. Venir moi ici, si tu dérapes de ma vie, laisse-moi traîner ton boulet, laisse-moi te pleurer, laisse-moi t'aider, faut pas me lâcher si t'en peux plus, même si c'est dur et que tout fout le camp. Tu sais ce qu'on dit d'une de perdue, crois-moi faut laisser faire le temps. Mieux si t'es plus loin, je sens ton mal. Tu veux goûter l'air ailleurs, mais je sais que t'as des choses à dire. Même chuchoter, ça fait du bien. Je sens ton mal. Tu veux gueuler ta fureur. Que tu veux entendre, je te parlerai pas, je ferai qu'attendre, mais je serai toujours là dans ton ombre, je ferai tout pour éviter que tu sombres, je serai plus heureux même si tu veux, je vivrai ton mal cent fois pour toi, je resterai seul autant que je peux, tout pour que toi tu me laisses pas là. Reste, à deux on peut surmonter ça. Reste, faut changer ces projets-là.